Stéphanie, as-tu ton passeport avec toi? Mon passeport? Ouais. Hey, non, j'en ai pas. Ben, Caroline. Passes-tu légalement? Ouais, je pense que ça serait mieux. C'est cool. Parce qu'on se rend aux Jeux Olympiques de Sochi. Tout le monde a la fièvre olympique en ce moment, c'est fou aussi. Par contre, étant une OSBL, on n'a pas les moyens de se permettre la diffusion des Jeux. Il y a quelques jours, on a reçu un courriel d'un prince nigérien qui offrait de nous vendre les droits de diffusion des Jeux olympiques de Sochi. Évidemment, ça avait l'air trop beau pour être vrai, alors on a accepté sans se renseigner, parce qu'on est comme ça. Voici donc un résumé de notre couverture jusqu'à présent, si vous l'avez manqué. Les Olympiques ont le patinage artistique. Les Jeux olympiques ont le patinage artistique. La rumeur d'aventure entre Beyoncé et le président Barack Obama s'avère infondée. Kristen Stewart a l'air bête sur la couverture d'un magazine. Pour faire concurrence au hockey sur glace, on vous offre le hockey sur glace. Jean-Philippe a certainement bu trop rapidement parce que ses hockey ne suivent pas parfaitement le rythme. Après le curling de la ligne du cœur. Vous serez témoin de bisbilles familiales, amicales ou amoureuses. Vous êtes proche d'obtenir une belle réussite, un succès ou une reconnaissance. Chance matérielle. Après le ski acrobatique, l'adobe acrobatique. Voyons, comment on fait pour ouvrir un PDF donc? Ben là, tu as installé Acrobat. Si je veux me battre! Après le surf des neiges, le surf des neiges. Vous allez voir mes messages. Je paye sur le gros E bleu. Là, je suis sur MSN. Je tape « Hotmail » dans la barre blanche. Je clique sur le premier mot en bleu. C'est ça? Mais attends, des neiges, là. Tu peux aussi juste cliquer sur le mot courriel dès le début, tu sais. Après le bobsleigh, le boblaze. Alors, on voit ici Bob de Trois-Rivières qui tente de manger un sac de chip Lays le plus rapidement possible. Et c'est un record olympique! Après le ski de fond, le whisky de fond. Toi, là. Toi, je t'aime. Et c'est réussi, le Québécois Jean-Philippe Charbonneau a léché la dernière goutte du fond de sa bouteille de whisky. Après le squeletton, le squeletton. Et encore une fois, c'est Jean-Philippe qui mange les ailes de poulet et ne laisse que le squelette. C'est ça, le squeletton. Bravo! Après le ski alpin, le ski alpin. Cette épreuve consiste à déterminer si un pain est passé date ou pas. Ce pain-là, ce qu'il y a, c'est de la moisissure. C'est ce qu'il y a, le pain. Le combiné nordique. Oui, bonjour. Je vais vous prendre un 12 pouces combiné viande très, très, très froide, dans genre nordique. L'épreuve courte piste. Ça cause anormal que j'ai le goût de devenir un rebelle. Ça cause anormal que puis de chambre en ville, c'est une nouvelle. C'était anormal de Rouge Pompier. C'était l'épreuve de courte piste dans laquelle l'athlète doit faire jouer une courte piste et c'est un succès pour cet espoir canadien. Après le slope style, le sloppy Joe style. Ça, c'est un bon sloppy Joe. Et pour couronner le tout, la cérémonie des médailles. Donc, dans la cérémonie des médailles, à l'aveugle, c'est notre athlète qui doit identifier différents plats. Et on voit ici Stéphanie Paradis. Bon, ça c'est du pain à l'ail, ça, c'est des pâtes à l'ail, ça, c'est des escargots à l'ail. Suivez les Jeux paralympiques de Sochi seulement sur les ondes de C'est fou, parce que personne d'autre n'a accepté de les présenter. Ah, wow, les Jeux olympiques de Sochi, évidemment, les codes d'écoute assez fous sont vraiment dans le plafond, très, très élevés. Évidemment, tout ça, c'était le résumé de notre couverture jusqu'à présent, mais il y a encore la fermeture qui s'en vient dimanche. On appelle ça la cérémonie de clôture. C'est évidemment là où on salue les clôtures d'exister parce que ça nous empêche de voir nos voisins se bronzer l'été, bien sûr. Oui, sinon, on n'oublie pas les clôtures électriques. Oui. Parfois, elles sont un peu mises de côté, mais toujours nécessaires. Tout à fait. Donc, vraiment, la cérémonie de clôture dimanche soir. Malheureusement, elles étaient très inutiles dans le film Jurassic parc, ils sont tout le temps pétés, les dinosaures partent d'un bord puis de l'autre. Et de voilà. Tout bord, tout côté, c'est le chaos. Mais il y a tellement d'événements à regarder, il faut être au courant. Évidemment, il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Vous avez remarqué qu'il y a seulement Stéphanie et Jean-Philippe qui ont accepté de participer. Ouais. C'est difficile déjà qu'on a acheté la couverture, mais ensuite, il fallait se trouver des participants et des sports à faire. Ça vient. C'est cher, ça coûte cher. On sait pas où t'avoir. Peut-être un peu, mais tu sais, c'est un prince nigérien. Comment veux-tu refuser à un prince? Je veux dire, c'est royal. Ben oui. Tu sais, royal, c'est comme le pépé de toilette. Tu vas l'acheter parce qu'il est royal, tu l'achètes parce qu'il est royal. C'est comme ça. Des toilettes royales. Tu vois, c'est ce talent-là inné que j'ai pour écrire des textes. Je me croirais au numéro 1 présentement. Pour les jeux de mots poche, hein? Ouais. C'est ça, mais non, détrompe-toi. Suivez donc les Jeux olympiques de Sochi via Assemblage Hockey. Ou pas. Ou pas.